anime, il son regard flamboie, elle porte la main à son cœur agité. Que dit-il ? Il serait dommage, en vérité, de laisser à la mort une si belle proie. Tais-toi, tais-toi. Si vous voulez accepter mon secours, si vous voulez sauver ces jours, là, certains flacons que je tiens sur mes ailes. Fais-toi, oh, il faudrait. Fais-toi, Dieu me préserve d'écouter tes conseils misérables assassins. Oh, il faudrait chaque matin. Des flacons pour le bel, vous en serez, j'espère. Anoria, bien, Anoria. De la colère, et oui, je vis encore. De la colère, et oui, je vis encore. Et pour le bel, vous en serez, vous en serez. Voilà donc le secret de sa fuite. Pauvre Antonia. Oh, qu'elle ignore toujours les dangers terribles qui la menacent. Mon Dieu, qu'as-tu ? Cher Antonia, tu m'as parlé d'un rêve de gloire que je ne peux partager. Pour m'appartenir, il faut que tu renonces à tes rêves d'artiste. Plus de chant, plus de théâtre. Auras-tu le courage ? Oh, mon Dieu ! Tu hésites ? Mais toi-même ! C'est Antonia que j'aime, et non sa voix. Eh bien, dispose de moi. Tu renonces à tes espérances? Oui. À la musique même? Par pitié, Antonia, ne chante plus. Écoute, on monte l'escalier. C'est ton père. Je ne veux pas qu'il me trouve ici. À demain. Est-ce qu'on défend aux oiseaux de chanter? Ah, de mon père, il s'est fait le complice. Allons, les pleurs sont superflus. Je l'ai promis, je ne chanterai plus. Voilà la grande joie. Thank you.